purple, right? Je sais même pas ce que ça veut dire. I am not very good in English. Could you translate? Google Translate. Ça parle de quoi en fait cette chanson? Moi je suis nul en anglais. Purple bike, white owl, don't think of mine, will you read my book? I need a job, so I want to be a purple bike writer. It's a dirty story of dirty man, dirty deed. Tab. Putain, les Beatles. Désolé pour les Beatles. Merde. Ok. Ah putain, j'ai perdu les paroles.